Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Marie Laporte, directrice du périodique québécois Nocturne, qui a généreusement pris sur son temps pour répondre à nos questions. Bonjour Marie, pouvez-vous nous décrire ce qu'est Nocturne? Un magazine? Un fanzine? Ben, Nocturne, en fait, c'est un fanzine qui a été créé il y a quelques années par des fans de l'horreur. Et puis, c'est tous des gens qui sont bénévoles, autant les écrivains que les illustrateurs, les graphistes, etc. Donc, c'est une équipe entièrement bénévole qui fait ça par plaisir et puis qui essaie de maintenir une publication là, aux 3 mois. Dans quel genre se spécialise-t-il? Le genre spécifique de Nocturne, c'est surtout l'horreur, mais on accepte pas mal les 6 genres que la maison d'édition Les Six Brumes accepte pour ses publications. Donc, on accepte l'horreur, le fantasy, le fantastique, la science-fiction et puis le autre. Donc, on élargit quand même beaucoup, mais ça reste surtout dans le côté noir des textes, là, même si les genres sont différents. Comment est né Nocturne? Nocturne, en fait, c'est né de 2 personnes qui s'occupent de la maison d'édition Les Six Brumes. Jonathan Reynolds, qui est un des co-éditeurs de la maison d'édition, qui, avec un de ses amis, a parti le fanzine il y a quelques années. Et puis, ils ont fait ça, dans le fond, par passion. Et puis, comme Jonathan avait écrit un roman qui s'appelait Nocturne, ils ont décidé d'appeler le fanzine Nocturne, le fanzine culte, à cause de ça. Pourquoi l'avoir créé? Pour le fun? Il y avait un besoin? Jonathan, dans le fond, lui, c'était par plaisir, par passion, avec Fred Proulx. S'il y avait un besoin, ça, c'est plutôt dur à dire parce que, dans le fond, chaque fanzine apporte quelque chose. Donc, il y a toujours un besoin. Mais ne serait-ce que pour quelques personnes qui s'abonnent, ça vaut toujours la peine. Donc, c'est en partie pourquoi ils l'ont fait. Vous le dirigez depuis un certain temps déjà, il me semble. Depuis quand? Moi, je dirige Nocturne depuis, en fait, 2007, si je ne m'abuse. Moi, avant, en fait, j'étais réviseur. Et puis, par la suite, quand Jonathan, Guillaume et Fred ont quitté le bateau, j'ai pris la relève parce que je trouvais que le projet était beau et puis je voulais pas qu'il meure. Fait que dans le fond, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir éditrice puis de prendre la main, si on veut. Je sais que vous le dirigerez encore pendant quelques numéros. Quand vous regardez en arrière, quelle direction avez-vous voulu donner à la publication? Il me reste encore quelques numéros, oui. Les numéros 15, 16, 17 et le hors-série 2. Puis la direction que j'aurais voulu donner à la publication, ben en fait, ce que j'ai voulu faire dans le fond, c'est que ça se poursuive, que l'aventure se poursuive. J'ai malheureusement pas pu implanter de nouvelles choses parce que comme Nocturne est bénévole et puis qu'on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver des graphistes d'un numéro à l'autre, il a fallu que je mette tous mes efforts dessus. Donc, j'ai pas pu instaurer, par exemple, les pages couleurs que j'aurais bien aimé faire. Parce que vu qu'on était tous bénévoles puis qu'on avait de la difficulté à sortir les numéros à temps, on essayait de mettre les priorités ailleurs, mais c'est quelque chose que j'aurais voulu faire. Là. Quel est, selon vous, le plus bel accomplissement pour Nocturne? Le plus bel accomplissement pour Nocturne, en tout cas sous ma direction, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est à un certain moment où on a fait une couverture à suivre. Donc, il y avait 3 numéros. Qui avait une partie de l'image, et puis le 4e numéro révélait l'image dans son ensemble avec un poster que les abonnés pouvaient avoir là en noir et blanc, qu'ils pouvaient afficher à la maison, qui montrait là, l'image en entier. C'est un illustrateur belge, Bruno Laurent, qui avait fait ça, et puis je trouve que ça a été vraiment là une belle réussite. En regardant la liste des auteurs qui ont contribué à Nocturne, je reconnais certains noms, Claude Bauduc, Serena Gentilhomme, Mathieu Fortin, Pierre-Luc Lafrance, Jonathan Reynolds. Certains sont des romanciers professionnels. Est-il difficile d'attirer des auteurs en Nocturne? Pour attirer des auteurs dans Nocturne, en fait, c'était vraiment pas compliqué. On avait juste à faire l'appel à texte, puis il y avait des textes qui rentraient par dizaines. C'est d'ailleurs pour ça que moi, il a fallu que j'arrête de les accepter quand j'ai décidé que j'allais passer la main, parce qu'on en avait trop, puis tous ceux qu'on avait acceptés contenaient déjà plusieurs numéros. Fait que c'est pour ça qu'on a continué comme ça. Mais les auteurs, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui veulent écrire, qui veulent se faire connaître. Puis il y en a beaucoup qui écrivent aussi dans le style de Nocturne. Donc, on a eu plusieurs là, auteurs qui nous ont écrit, là, autant professionnels que des personnes qui commencent à écrire. On préconise beaucoup d'ailleurs de lancer les nouveaux auteurs. Donc, on mettait au travers là, des auteurs peut-être plus connus parfois, mais on acceptait aussi des textes, par exemple. Là, moi, j'ai deux jeunes auteurs de 16 ans, une qui est française puis un qui est québécois, qui voulaient se lancer dans l'écriture. Leur texte avait du potentiel. Il fallait juste les retravailler un petit peu. Fait que moi, je leur ai donné la chance d'écrire pour le hors-série 2. Donc, leur texte va sortir à ce moment-là. Puis, je trouve que c'est important de les encourager là-dedans, parce que si on le fait pas, s'il y a personne qui les aide, qui leur donne la chance de croire en leur rêve, ben ils vont juste les abandonner, puis ça serait dommage. Y a-t-il des auteurs dont vous êtes particulièrement fier d'avoir publié? Moi, personnellement, les auteurs que je suis fier d'avoir publié, ben, c'est tous ceux qui ont écrit dans Nocturne, parce que tous les textes qui sont là, je les ai personnellement lus et aimés. Donc, ce sont tous des auteurs que je suis fier qu'on ait publié. C'est sûr que j'ai mes auteurs de prédilection. Claude Bolduc, c'en est un que j'ai beaucoup apprécié. Jonathan Reynolds, c'est des textes que je me tanne pas de lire. Pierre-Luc Lafrance, Mathieu Fortin aussi. C'est beaucoup, beaucoup des gens dont le style d'écriture est exceptionnel. J'ai découvert aussi, en termes d'auteur de critique ou de chronique, Pierre-Alexandre Bonin, qui privilégie beaucoup Stephen King et qui fait des comparaisons entre l'œuvre de Stephen King et d'autres auteurs. Puis je trouve qu'il va toujours chercher le petit côté là auquel on pense pas. Donc, je suis contente d'avoir pu publier ces gens-là, là. Puis, il y en a pas un dont je suis plus fière que d'autres. Là. Je trouve qu'ils méritent toute leur chance, puis qu'ils sont tous très bons. Là. Quels sont les critères généraux pour qu'une nouvelle soit retenue pour publication chez Nocturne? Nous, les critères qu'on prenait, en fait, il y en avait trois principaux. On regardait si le style correspondait à Nocturne, si le texte était original, que ça copiait pas trop une autre histoire ou que ça devenait pas lassant à la lecture. Puis on regardait aussi là si une certaine base en français là était respectée, parce que quand on avait on insistait plus de temps à corriger le texte qu'à le lire, ça devenait un petit peu lassant, là. Fait qu'on regardait surtout ces trois points-là, mais on était quand même assez ouverts. Si, par exemple, le texte était d'une originalité incroyable, mais que le français était un petit peu moins bon, ben ça compensait, puis on les acceptait, là. Puis on regardait toujours dans le fond avec le comité de lecture combien de personnes l'acceptaient, tout ça, puis après, on le publiait. Comment voyez-vous l'avenir pour Nocturne? L'avenir pour Nocturne, ben présentement, ça se dessine. Après le numéro 17 que je vais publier, il va avoir un nouvel éditeur qui va prendre la relève, qui s'appelle Sébastien Mazas. Lui, c'est un Français qui habite présentement à Montréal, que j'ai rencontré à un congrès et puis avec lequel j'avais parlé avant sur Internet. Lui, il a beaucoup, beaucoup de projets pour Nocturne, des belles idées. Il est en train de bâtir une équipe solide. Il devrait donc avoir moins de problèmes que moi là, à trouver des graphistes et tout ça. Et puis, il a beaucoup de belles idées. C'est un jeune homme plein d'énergie. Je pense que ça va donner un vent de fraîcheur à la revue. Il va changer d'ailleurs le titre et tout ça, donc plein de choses qui s'en viennent. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez le découvrir, mais sachez qu'il y a un groupe Facebook que Sébastien a fait, et puis sur son blog personnel, il parle aussi de Nocturne et de ses projets. Fait que si jamais vous voulez vous investir et tout ça, là, il y a de la place, il est intéressé à bâtir une belle équipe, là. Comité de lecture, les graphistes, les illustrateurs. Il y a plein d'appels à texte différents. Donc, beaucoup de belles choses à venir. Avez-vous des projets? Que fera Marie Laporte après l'aventure Nocturne? Ben moi, de mon côté, étant donné que j'ai commencé à travailler comme infirmière, j'ai beaucoup moins de temps. Mais mes projets personnels, en fait, j'en ai quelques-uns, dont présentement, là, j'ai mon premier roman qui vient de sortir, Kinder et Sœurs, aux Six Brumes, une petite nouvelle policière. Donc, pour l'instant, je m'occupe à promouvoir mon roman. Puis après, ben j'ai plein d'autres idées pour écrire des textes. Je sais pas si ça va être des nouvelles ou des romans, ou si je vais juste continuer à rester une lectrice invétérée, parce que c'est ce que je suis à la base. Mais on va voir. En fait, je pense que je vais y aller au jour le jour et puis surtout avec le temps que je vais avoir, puis on va essayer de faire notre possible. Merci Marie. Merci d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Martin de nous avoir laissé la chance de faire découvrir Nocturne, le fanzine culte à des gens qui connaissaient peut-être pas ça. Et puis je vous souhaite bonne chance là, pour votre émission. Et voilà, c'était Marie Laporte, directrice du périodique Nocturne. Vous trouverez toutes les infos sur Nocturne à nocturne.zerofees.net. Merci de votre attention. À bientôt.